Dans ses appartements rue Henri je ne sais quoi, il reçoit comme un roi et déniche des nectars. Son domaine domine la fameuse cathédrale où son copain Henri a sacrément grandi. Sur le trône il est bien, il sait prendre son temps, et l'Espagne de là-haut lui semble bon enfant. Il joue au jeu de paume au fronton de Saint-Jean, comme son copain Henri, il y sort toujours gagnant. Jurançon, Namur, Givry, papa, comme son grand ami Bourbon. Il s'en sert sans abuser, papa, mais sans abuser, il s'en resserre. Jeunes filles en fleurs, il sait trouver les mots pour qu'elles ouvrent leurs feuilles. L'opéra le transporte, pour lui c'est le bonheur. Comme son copain Henri, il ouvre le portefeuille. Jurançon, Namur, Givry, papa, comme son grand ami pour. Il s'en sert sans abuser, papa, mais sans abuser, il s'en resserre. Paris est son royaume, le Louvre est son palais. Il s'y sent comme un prince à travers les quartiers. Mais c'est à Chartres, dans cette cité sacrée, rue Henri, je ne sais quoi, qu'il est vraiment le roi. Jurançon, Namur, Givry, papa, comme son grand ami Bourbon. Il s'en sert abuser, papa, mais sans abuser, il s'en resserre. Jurançon, Namur, Givry, papa, comme son grand ami Bourbon. Sans serre, sans abuser, papa, mais sans abuser, il s'en resserre.